C'était Bombino qui est souvent de passage à Montréal dans le cadre de Nuit d'Afrique. Donc Bombino qui est il est du Maghreb, là je me souviens plus, je crois qu'il est algérien, mais je peux me tromper. Enfin, c'est de son album Nomade et c'est toujours des bonnes pièces. Je crois qu'il évolue de façon intéressante. Nous allons parler maintenant de en fait de la situation des migrants. Des migrants qui se rendent, qui quittent surtout l'Afrique pour se rendre en Europe. Il y a une situation qui continue d'être très inquiétante cette semaine. En fait, hier, il y avait une nouvelle qui n'a pas été confirmée, qui voudrait qu'un bateau avec au moins une soixantaine de personnes auraient chaviré et que les premiers reportages faisaient état de plusieurs dizaines de morts. Et ça, c'est des reportages qu'on voit souvent ces jours-ci. Ça passe pas dans les nouvelles, mais en 2011, il y aurait eu plus de 2000 personnes qui seraient décédées en essayant de se rendre en Europe. Depuis 10 ans, on compte des dizaines de milliers de personnes qui seraient mortes dans les eaux de la Méditerranée ou en tentant de se rendre en Europe par d'autres moyens. Et donc, au mois de mars, je me trouvais au Forum social mondial qui s'est tenu à Tunis. Et parmi les axes de discussion ou d'échange qui ont eu lieu, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs. Le Forum social mondial réunit des organisations de la société civile, des militants qui se rencontrent sur toutes sortes de thématiques. C'est un peu un échange, un espace d'échange libre et sans but précis. Et à Tunis, il y avait plusieurs dizaines de groupes qui travaillent sur la question de la migration, sur la question des réfugiés, qui ont tenu plusieurs rencontres. Et parmi dans une de ces rencontres, il y a eu le lancement de la campagne Front Exit. Front Exit, c'est le nom donné à la campagne contre Frontex, qui est l'agence interfrontalière ou frontalière de coordination de l'espace Schengen en Europe. C'est l'agence européenne chargée, en fait, du contrôle de la migration de toutes les frontières qui sont communes dans les pays de Schengen. Bon, vous savez, Schengen, c'est cette zone sans frontières entre des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, et qui permet la libre circulation des personnes. Bon, il y a quand même des contrôles d'identité ou des contrôles qui peuvent avoir lieu, mais de façon générale, une personne peut se promener d'une frontière d'un pays à l'autre sans contrôle. Dans ce cadre-là, tous ces pays coordonnent une frontière extérieure commune, donc qui borde, dans le cas du sud de l'Europe, qui borde la Méditerranée. Et au cours des dernières années, au cours des dernières 10 années, il y a eu de plus en plus de coordination entre les polices et des forces militaires qui vont contrôler les frontières de l'Europe. Et donc, dans le cadre du Forum social mondial, il y a eu une conférence de presse, comme je vous l'ai dit, et parmi les personnes qui sont venues en parler, il y a Catherine Ingrand, qui est une membre du CIRÉ, un groupe qui travaille avec les migrants en Belgique. Et elle est venue expliquer, on va l'écouter expliquer par elle-même ce qu'est Frontex, en fait. Dans la lutte contre l'immigration clandestine et la surveillance des frontières. D'abord, la surveillance des frontières maritimes, aéroportuaires et terrestres s'opère dans l'objectif d'intercepter les migrants qui tenteraient de franchir illégalement une frontière de l'Union européenne. Le franchissement illégal, il est déterminé, enfin, il est défini par le Code Schengen des frontières, qui donne un certain nombre de modalités pour franchir, entrer dans l'Union. C'est-à-dire qu'on doit entrer à des points d'entrée précis avec les conditions requises, c'est-à-dire disposer d'un visa, etc., etc. Donc l'agence, elle a dans son mandat d'intercepter tout migrant qui violerait cette disposition. Et ça, elle le fait à travers plusieurs types d'opérations. D'abord, des opérations conjointes Alors, c'est des opérations ponctuelles ou renouvelables qui sont organisées par un État membre. Et donc, après, on met à disposition tous les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, les États membres participent avec cet État membre demandeur à l'opération d'interception. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a des opérations qui s'appellent Poséidon en Grèce. C'est de l'interception en mer et puis sur terre. Et puis, il y a une autre opération qui nous concerne aussi, qui est l'opération Indalo, dans les eaux marocaines et espagnoles. Ça se passe aussi à travers des projets pilotes. Donc, c'est des projets pour tester un peu la façon d'intervenir dans ces opérations de surveillance. Et puis, il y a une coopération qui se met en place entre les policiers et les gardes frontières pour s'apporter des informations, un savoir-faire et une manière d'intervenir et d'intercepter les migrants. Deuxième, ça c'était le premier élément qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire l'interception. Le premier rôle de Frontex qui est le plus connu et le plus médiatisé, c'est celui de l'interception. Il y a un deuxième rôle très important, moins médiatisé, c'est celui de l'analyse de risque. En fait, l'agence Frontex, depuis sa création, développe tout un système qui s'appelle Intelligence, comme renseignement en anglais, qui vise à recollecter de l'information, une information la plus large possible, qui permettrait d'identifier les points de départ, les routes migratoires, les potentiels départs des côtes ou des lieux de provenance, et donc de compiler tout ça dans des rapports qui s'appellent analyse de risque. Cette analyse de risque, elle permet après de développer, de déployer des opérations, comme on a parlé, dont je viens de parler, des opérations ponctuelles d'interception aux frontières. Elle permet aussi aujourd'hui beaucoup l'analyse de risque de développer plus à fond les politiques migratoires. C'est-à-dire que ça ne va pas juste servir à Frontex pour l'interception, mais l'analyse de risque va de plus en plus être reprise par l'Union européenne pour définir sa propre politique migratoire d'une façon plus globale. Alors l'agence Frontex, comme vous avez entendu Catherine Ingrand le dire, c'est donc une agence qui coordonne la répression, le contrôle, la répression des migrants, j'allais dire, et le contrôle de toutes les frontières européennes, et qui se veut une agence de plus en plus militarisée. D'ailleurs, c'est ce que dénonce la campagne Frontexit. C'est de plus en plus, c'est un outillage militaire qui vaut des milliards de dollars. De plus en plus de fonds vont à cette campagne des pays de l'Europe pour protéger leurs frontières ou pour fermer leurs frontières aux migrants. Mais ça ne réussit pas et comme je vous le disais, on a toujours régulièrement des reportages de gens qui meurent en tentant. Surtout, un des points centraux, c'est l'île de Lampedusa qui se trouve juste au large de la Tunisie, en fait, et au large de la Libye, donc, qui attire beaucoup de migrants qui partent de ces pays-là vers l'île de Lampedusa et qui peuvent, une fois arrivés en Europe, demander le statut de réfugié. Ils seront souvent traités et devront être identifiés. Il y a différents règlements qui vont faire en sorte qu'ils vont soit être remis en liberté en Europe si on ne peut pas les identifier ou si on leur connaît comme réfugiés, ou ils vont être renvoyés chez eux. Et il y a de plus en plus de camps de détention partout en Europe pour détenir les migrants qui arrivent aux portes de l'Europe. C'est un réseau de plus en plus organisé. Un autre intervenant lors de la conférence de presse de cette campagne Frontexit qui avait lieu fin mars à Tunis, c'est, je vais vous retrouver son nom, c'est un représentant de l'association mauritanienne des droits de l'homme, l'AMDH, son nom Elhadj Amadou Mbo, qui est le secrétaire général. Il était là à Tunis pour expliquer ce que Frontex veut dire pour la Mauritanie. Alors, la Mauritanie, c'est quand même assez au sud. La Mauritanie n'a aucune frontière réelle avec l'Europe, si ce n'est les îles Canaries. Et c'est un point de passage pour beaucoup de migrants aussi. Et donc, il va nous parler dans l'extrait suivant. Il nous explique ce que veut dire Frontex en Mauritanie. Entretien avec le directeur exécutif de Frontex à Varsovie, dans le cadre du camp de Nobode. Il y a déjà quelqu'un qui est dans la salle qui était présent, c'est Vincent de Jong, avec d'autres amis. Où d'abord, la première mission pour nous, il fallait faire connaître Frontex au niveau européen, notamment là où il se trouve, en Pologne. Et le sondage qu'on avait fait nous montrait que très peu de Polonais connaissaient Frontex, sa localisation à Varsovie même, et ses missions. À plus forte raison, nous qui sommes en Afrique, voyez-vous. Donc c'est dans cette continuité que l'Association mauritanienne des droits de l'homme s'est inscrite dans ce projet que, à travers le réseau Migre Europe, pour travailler sur vraiment un plaidoyer qui est appelé Frontex Exit. Matériellement, concrètement, comment ça s'est présenté en Mauritanie? Parce que, puisque je parle de la Mauritanie de chez moi. C'est à partir de 2006... Que les opérations de Frontex étaient vraiment visibles en Mauritanie. Mais là, c'était très pratique où on voyait des bateaux Frontex chez nous en Mauritanie. La mise en œuvre de ces, la mise en place de ces opérations a été faite à travers R1 de juillet à octobre 2006, donc 105 jours, et qui a employé 29 experts. L'objectif de ces opérations était le recueil d'informations sur les voies de passage, l'identification des migrants en vue de leur refoulement, leur retour, la surveillance des côtes territoriales mauritaniennes, dissuasion et interception maritime des migrants qui tentaient d'arriver aux îles Canaries. Et l'engagement de la Mauritanie, c'est de les recevoir dans un camp de rétention. C'est une école fondamentale qui a été transformée en camp de rétention à Ouagadougou en 2006. Une fois ces personnes récites, en tout cas détenues dans ce centre, elles sont identifiées et refoulées ou vers le Sénégal ou vers le Mali. En 2006, la Mauritanie a refoulé 11 637 personnes vers ces deux pays. Jamais vu dans l'histoire contemporaine de la Mauritanie par rapport au nombre de refoulés. Et R2 aussi a continué. Ensuite, il y a eu R3 de février à avril 2007. C'était des patrouilles conjointes entre la marine mauritanienne et la Guardia Civile. Et là aussi, on voit la Guardia Civile espagnole et on voyait dans les bateaux qui est inscrit Frontex. Vraiment, c'était vraiment visible et c'est sur le sol mauritanien. Ensuite, ça a continué, R3 a continué jusqu'à 2007, jusqu'à avril 2007, décembre 2007. Et 2008, on a eu le RABIT. C'est aussi un des plans de Frontex qui a continué à intercepter et à refouler vers la Mauritanie. L'autre aspect de la présence effective de Frontex chez nous, c'est la formation des gardes-côtes mauritaniens, la marine mauritanienne, la police mauritanienne et surtout l'équipement de ces corps. L'équipement en termes de nouvelles technologies, l'identification des personnes au niveau de l'aéroport de Nouakchott, mais aussi à partir de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, ça c'est Rosso, et ensuite c'est Gogui au Mali. L'autre aspect par rapport à la présence de Frontex, de façon indirecte, c'est le changement dans la législation mauritanienne. Là, on a adopté une nouvelle législation qui rend beaucoup plus difficile la rentrée et le séjour des étrangers en Mauritanie et qui se traduit par l'obtention d'une carte de séjour valable pour 12 mois. Au-delà de 12 mois, vous renouvelez la carte ou bien vous êtes refoulé, pas chez vous, hein, vous êtes refoulé au Sénégal ou au Mali. Parce que parmi les refoulés, vous avez des centrafricains qui ne sont ni sénégalais ni maliens. On a aussi identifié des Gambiens, des Guinéens, et c'était quand même quelque chose de très particulier. Et ça remet en cause, en tout cas, tous les accords bilatéraux qui ont été faits entre ces pays-là. C'est vraiment une remise en cause et une restriction drastique de la liberté de circulation des personnes à l'intérieur de la Mauritanie. Alors, c'était le militant secrétaire général de l'Association mauritanienne des droits de l'homme qui parlait de la situation des forces policières et du contrôle des migrants dans son pays, la Mauritanie. Donc un pays qui est quand même assez loin des frontières européennes, mais qui se fait faire des pressions par les pays de l'Europe pour assurer un meilleur contrôle des migrants qui tentent d'entrer en Mauritanie pour faire leur chemin vers les côtes de l'Europe et vers les îles Canaries en particulier. Je poursuis ce voyage, en fait, je vous amène à travers mon propre voyage de découverte des migrants alors que j'étais en Tunisie. C'était des extraits que j'avais enregistrés dans une conférence de presse au Forum social mondial, pardon, de Tunis. Et suite au Forum social, j'ai tenté de rejoindre des personnes qui sont sur les lignes de front de la situation des migrants. Et je me suis rendu dans un petit village le long des côtes tunisiennes, un village qui se retrouve directement en face de l'île de Lampedusa. On ne peut pas le voir, mais c'est un des endroits les plus proches. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de migrants, beaucoup de personnes qui tentent de se rendre en Europe se promènent clandestinement, entrent en Tunisie clandestinement et tentent de trouver le moyen de rejoindre les rives de l'Europe. Et il y a cet homme que j'ai entendu au Forum social mondial qui s'est levé dans une salle et qui a dit « Il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon village. Mon village s'appelle Lalouza et ils se passent le mot, ils se disent Lalouza Lampedusa. Donc, il faut aller à Lalouza pour aller à Lampedusa. Et il y a plusieurs, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plusieurs villages à l'intérieur de quelques dizaines ou peut-être une cinquantaine de kilomètres de côte qui sont des points cruciaux pour tenter de rejoindre l'Europe. Et donc, c'est par là que beaucoup de migrants passent. Et donc, je suis allé à Lalouza et j'ai cherché ce monsieur. Je suis allé sur le bord de la mer et je l'ai effectivement trouvé par hasard. Je ne savais pas quel était son nom. Et je lui ai demandé de me parler de la situation, de ce que lui connaissait de la situation des migrants dans le village de Lalouza. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de 4 minutes d'un échange que j'ai eu avec ce monsieur alors qu'on est devant la mer au sud de Tunisie, en Tunisie, juste un peu au nord de la ville de Sfax, Lalouza. Comme je vous avais dit, moi, quand vous êtes venu parler, je pensais que vous avez construit une petite maison pour loger les migrants. Les immigrants. Au contraire, eux, ils ne veulent pas se montrer. Ouais, ouais, ouais. Ils se cachent dans la campagne. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des Tunisiens qui viennent ici aussi qui Bien font... sûr. Ouais. Du nord de la Tunisie ou du centre de la Tunisie, lorsqu'ils ne trouvent pas de travail, qu'est-ce que vous voulez qu'ils... Ils pensent émigrer. Ils croyaient, ils croient jusqu'à maintenant que quand ils émigrent pour l'Europe, ils vont trouver du boulot. Ouais. Alors que réellement, il y a beaucoup de difficultés économiques et avec les crises économiques partout dans le monde, un peu partout dans le monde, ce n'est que, fait exception à la Chine, les autres pays, ils peinent, surtout l'Europe. Même la Chine. Mais, Non, la Chine, jusqu'à maintenant, elle a beaucoup de réserves. Mais comment, quand les gens trouvent des bateaux ici, Oui, ils les volent. Parfois, ils volent. Ils volent. Non seulement eux, ils partent, ils laissent une famille sans revenus, sans ressources, sans moyens pour travailler. Mais ils prennent des bateaux comme ça? Parfois. C'est pas... Mais généralement, c'est plus grand. Et s'ils prennent une petite barque à voile comme ça, ils enlèvent la voile, ils mettent un moteur et ils partent. Généralement, c'est difficile, mais ce n'est que quelques fois. Quelquefois, ils prennent des petits. Ils prennent d'autres plus grandes. Ouais. Mais où ils arrivent ici avec leur bateau? Non. Non, ils prennent le bateau comment? Non. Ils arrivent par des moyens de transport. Oh, oui. Ah, mais ils arrivent les intermédiaires. Ouais. Les intermédiaires, ils les apportent. Ah, oui. Par exemple, à Sfax. Ouais. À la tombée de la nuit, ils les emmènent jusqu'ici. Ouais. Ou bien ils sont à Sousse, ou je ne sais pas où. Ouais. Comment ils font? C'est un système. C'est les passeurs. Oui. Les passeurs, comment ils font? Ouais. Et ils se rencontrent, ils les amènent jusqu'ici. Mmh. Et de là, déjà, ils ont des contacts, ils font des contacts, je ne sais pas, ils achètent une barque où, qui vaut, par exemple, 10 000 dinars, ils donnent 12, 15 000 dinars au propriétaire. Ouais. Le propriétaire, par la suite, il va se réclamer qu'on a volé sa barque. Ah, oui. Bien sûr, plus grande que celle-ci. Ouais. Ils y mettent plus que leur capacité normale. Ouais. Et ils essaient de traverser. Mm. Parfois, on les attrape sur mer. Parfois, on les attrape avant qu'ils partent. Mm-hmm. Parfois, ils partent, ils n'arrivent pas, ils meurent. Parfois, ils arrivent. Et ce n'est pas une règle générale. Mais le problème, c'est que les gens ici n'ont pas de travail. Mm-hmm. Si chacun fait un petit projet... Mm-hmm. Et l'État l'encourage. Mmh. Il peut retenir pour ce petit hôtel. On peut faire travailler minimum une douzaine. Ouais. Si ça fonctionne. Ouais. Un minimum. Ouais. Ouais. Alors, c'était la voix de ce monsieur qui était un militant tunisien dont, malheureusement, j'oublie le nom, et qui parlait de la situation des migrants dans son village, qui racontait un peu comment ça se passe. Alors... Le dimanche 23 juin 2013, au matin, les habitants de Zarzis, un village qui se trouve non loin de la Louza, en Tunisie, se réveillent avec un bateau de plus sur leur plage. Celui-ci n'appartient ni à des touristes ni à des pêcheurs. Le Zodiac est vide, hormis les effets personnels de passagers qui l'occupaient. Trois corps auraient été retrouvés la semaine dernière sur les plages à proximité de Zarzis et étaient emmenés par la garde nationale, mais le bateau aurait pu transporter jusqu'à 60 personnes. Dans quelles conditions les personnes disparues, dont on ne sait encore ni l'identité ni le nombre, sont-elles décédées? Leur bateau a-t-il subitement chaviré ou a-t-il dérivé pendant des jours et des nuits, entraînant la mort de ses occupants? Ceux-ci ont-ils croisé d'autres embarcations qui ont refusé de leur porter assistance, comme c'est trop souvent le cas? Ce Zodiac n'est malheureusement qu'un des nombreux bateaux fantômes dont on ne retrouvera jamais la trace des passagers. Le 10 juillet 2012, le seul survivant d'un groupe de 50 migrants naufragés était secouru au large de Zarzis par des pêcheurs, alors qu'il dérivait depuis des jours accroché au reste d'un Zodiac qui s'était dégonflé. Combien de migrants à la recherche d'une vie meilleure n'arrivent jamais sur les côtes italiennes? Combien de morts et de disparus, faute d'avoir obtenu un visa ou même d'avoir eu accès à un document de voyage, faudra-t-il encore pour que l'Union européenne et ses pays voisins daignent s'engager à venir en aide aux « boat people » ? Malgré cette hécatombe, la Tunisie et la Libye n'ont toujours pas délimité leurs zones de recherche et de secours en mer. Et les pêcheurs qui prêtent assistance aux migrants courent toujours le risque d'être poursuivis pour aide à l'immigration irrégulière. Cela alors même que le secours aux naufragés est une obligation inconditionnelle du droit en mer. C'est extrait d'un communiqué de Boats for People, un groupe, un réseau qui vient en appui aux migrants. Migrants africains qui tentent de se rendre en Europe. Alors, et je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs morts dernièrement encore qui se sont rendus, qui ont tenté de se rendre aux îles de Lampedusa. Certains qui ont réussi à être secourus, mais sur les nombreux bateaux qui ne réussissent pas, il y a des dizaines et des dizaines de morts dont on ne parle presque jamais dans les médias. Alors, on revient dans quelques instants pour parler avec un cinéaste belge du film Kinshasa Kids. Et on écoute le TPOK Jazz. Oko se kreye po zuwa motolo si Franco, c'était un extrait de Franco et le TPOK Jazz, un groupe légendaire de l'époque Mobutu au Kenya, au Congo plutôt, en République démocratique du Congo. Jean-Marc Sabot est avec moi en studio. Jean-Marc, tu m'as reproché d'avoir coupé un peu trop vite parce que tu voulais faire un commentaire. Ouais, tout à fait. Je voulais aussi. C'est vraiment un groupe extraordinaire, le TPOK Jazz avec Franco. Mais je voulais dire quand même, faire un petit commentaire sur la question de Frontex, cette répression de l'immigration, qui pour moi est très, très, très symbolique. Un commentaire symbolique. Déjà pour. Rappelez, j'étais à Rabat, à un moment j'ai rencontré un journaliste, on parlait de l'immigration, parce que j'avais simplement l'impression que le Maroc était plus souple à l'égard de ceux qui passaient par le Maroc, pour tous ces desperados qui passaient par le Maroc pour aller en Occident. Et il m'a dit que oui, effectivement, il y a comme une politique de souplesse qui a été initiée par le roi qui a simplement dit aux gens, écoutez, soyez souples avec ces gens parce que ce sont des immigrants et nous sommes également des immigrants. Il m'a dit ça comme ça. Je pense que c'est pas rien. Et autre chose que je voulais dire, c'est revenir sur ce propos de ce villageois ou plutôt cet habitant de Lampedusa, la Lousa. De la Lousa, oui. La Lousa, voilà. Donc la Lousa qui dit, écoutez, l'Europe, ça va très mal. Il y a la crise, c'est très mauvais. Donc ces gens qui vont là-bas, ils courent. Vraiment c'est périlleux, ça sert à rien de partir parce que c'est poursuivre un rêve qui n'existe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et il évoque quand même la Chine, il dit la Chine, par contre c'est la Chine qui là-bas ça va mieux en ce moment. On peut mettre des doutes là-dessus. Je pense qu'on peut mettre peut-être des doutes, mais il n'en demeure pas moins que le créancier numéro 1 les États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. C'est-à-dire que c'est le premier créancier officiel, premier créancier institutionnel des États-Unis. Oui. Or, ce que je veux dire, c'est que, c'est également, on va nous dire, OK, voilà, c'est une dictature, entre guillemets. Alors ça, c'était pour revenir à autre chose. Un autre cas, c'est la Libye. La Libye, c'était l'espèce de Chine de l'Afrique. C'est un pays qui payait la dette extérieure des pays. C'est un pays qui offrait des choses à des pays. C'est un pays qui finançait à près de 15% lui seul toutes les structures administratives de l'Union africaine. C'est un pays qui a fait des milliards et des milliards de dollars d'investissement dans de nombreux pays. Mais c'est quand même le pays qui également avait plus d'un million de travailleurs en provenance de toute l'Afrique. Et ce pays a été détruit et tous ces gens se sont retrouvés, je dis des centaines de millions, centaines de milliers de personnes se sont retrouvées « boat people ». Train d'essayer d'aller aux États-Unis, de traverser la Méditerranée, de faire. Et puis on a vu plein de reportages en Europe de gens qui se disaient on était tranquille là-bas, on se plaignait pas. Et puis on a vu ce qui est arrivé avec l'Irak. Et c'est la même chose maintenant pour la Libye. On a détruit tout le pays et tous les travailleurs se sont retrouvés comme ça, dispersés dans une situation de misère qui est totale. Alors moi je dis. Or, quand on écoute ce qui se passe, ce qu'on développe dans le cadre de Frontex, c'est simplement une politique de répression. C'est ne venez pas ici. Et alors, quelle est la crédibilité donc des campagnes? Ça pose un problème de crédibilité à des campagnes comme l'OTAN en Libye qui détruit un pays et puis qui va en faire l'autre qui en a déjà fait l'autre Irak. Oui.

bonga ba de zoni tanga bonga ba dimiti na ba tangane.